évoquer la thématique des fêtes, des traditions en Lorraine est déjà une gageure à part entière, et parler de la symbolique de l'arbre, ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais on va s'apercevoir que la thématique de l'arbre et de manière plus générale du végétal est une constante tout au long de l'année, du rythme des saisons finalement. Hein, qu'on songe tout simplement à la thématique du gui, par exemple, qui nous permet d'entrer dans l'année nouvelle, jusqu'à celle du sapin de Noël, par exemple, en passant bien sûr par le buis du dimanche des rameaux ou encore l'arbre de mai, et on comprend très vite que l'arbre va jouer un rôle très important en lien bien sûr avec le cycle des saisons, cycle de la végétation qui renaît, qui s'épanouit, qui finit par flétrir avant d'entamer un nouveau cycle. Alors justement, en guise d'introduction, quelques petits mots, mesurer le temps a toujours été évidemment une obsession pour les sociétés anciennes comme les sociétés modernes, et en même temps qu'une véritable difficulté pour ces mêmes sociétés, puisqu'il fallait faire coïncider le cycle des jours, le cycle des lunaisons, le cycle des saisons, et ça a longtemps été quelque chose de très très compliqué. Alors le propos n'est pas d'entrer dans l'histoire même du temps et des calendriers. Pour faire simple, on va passer de calendrier un petit peu ancestraux à un premier calendrier officiel dès l'époque de Jules César, avec un calendrier julien qui commence au mois de mars, ce qui explique d'ailleurs le nom des mois septembre-octobre, puisque septembre est bel et bien le septième mois de l'année, si on commence l'année au 1er mars. Et du coup, l'année s'achève en février et on ajoute un 29e jour tous les 4 ans pour caler justement le calendrier sur le cycle du soleil principalement. On a dans d'autres civilisations, par exemple dans le monde arabo-musulman, on a le calendrier lunaire qui domine, et dans la civilisation chinoise, un calendrier à la fois luno-solaire. Donc faire coïncider tous ces cycles-là a toujours été relativement compliqué, et de tous les cycles qui marquent peut-être le mieux notre perception du temps, c'est celui quand même de la végétation qui est le plus représentatif, celui qui s'impose le plus facilement à nos yeux parce qu'il marque clairement le paysage et l'environnement dans lequel on va évoluer. Alors, c'est aussi le plus facile à observer, et donc l'arbre va prendre logiquement une place assez importante dans le cycle des saisons, dans le cycle des fêtes, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec une christianisation progressive finalement de la thématique de l'arbre et du végétal, thème qui est éminemment païen, on aura l'occasion de le voir avec l'exemple du sapin de Noël par exemple, et qui va être christianisé pour enfin être déchristianisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le milieu du XXe siècle. On assiste à une déchristianisation de cette thématique-là avec une optique de, n'ayons pas peur des mots, de plus en plus commercial finalement de nos fêtes, et donc les arbres qui perdent un petit peu de leur magie et de leur symbolique. Alors cette intervention n'a pas d'autre but que de faire très rapidement le point sur la figure de l'arbre et du végétal dans les fêtes et les traditions lorraines, avec un court résumé finalement d'une étude que j'avais faite il y a maintenant 2 ans à l'occasion d'un ouvrage que j'avais publié intitulé « L'année Lorraine, une petite histoire des fêtes et traditions populaires en Lorraine » dans laquelle j'avais voulu un petit peu porter le regard sur l'ensemble de l'espace lorrain, sachant que ça n'avait jamais vraiment été fait. On a des études qui s'intéresse aux Hauts-de-Vosges, par exemple l'ouvrage de Richard sur justement les fêtes et traditions, les superstitions même des Hauts-de-Vosges. On a bien sûr Daniel Bontemps qui a travaillé sur le Pays Haut, sur les fêtes et traditions, dans son ouvrage intitulé « Au temps de la soupe au lard ». Et puis on a pour le Pays Messin Raphaël de Westphalen, le docteur de Westphalen, qui a publié un excellent ouvrage, petit dictionnaire des traditions populaires en Pays Messin dans les années 30, et également un ouvrage que je vous recommanderais si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ça s'intitule « Le culte de l'arbre dans nos coutumes populaires », principalement Lorraine, mais pas seulement. Il déborde en Alsace, en Champagne et même vers la Gaume et le Luxembourg. Ouvrage publié en 1927 de mémoire. Alors, on va imiter un petit peu Antonio Vivaldi en découpant cette intervention en quatre saisons, commençant par le printemps, temps de l'éclosion des bourgeons, du renouveau, ce qui fait le lien d'ailleurs avec la période à laquelle nous sommes. Et une première fête importante qui est totalement oubliée aujourd'hui en Lorraine, c'est la fête des Brandons. Alors, elle avait lieu traditionnellement au premier dimanche de Carême, donc tout de suite après Mardi Gras, et elle consistait autrefois à laisser les jeunes gens aller en forêt chercher des petits fagots de bois qu'ils ramenaient au village pour allumer une sorte de bûcher, une bulle comme on dit en Lorraine, une chavande comme on dit dans les Vosges, et le but de ce grand feu de joie était de chasser l'hiver. C'était également à l'occasion de ce feu que l'on proclamait les Vosnas et les Vosnates. C'est une tradition qui là aussi est assez complexe à expliquer, et on peut même considérer que chacune des fêtes évoquées ici pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, donc c'est pour ça que j'essaye d'aller assez vite. Mais pour faire simple, ce grand bûcher que l'on brûlait donc à l'occasion du premier dimanche de Carême était un feu de joie qui, dans lequel on brûlait l'hiver. On estimait même que la fumée de ce feu, lorsqu'elle était portée par le vent, pouvait protéger les arbres fruitiers dans les vergers, les mirabelliers notamment, et donc on proclamait ces Vosnas et ces Vosnates, c'est-à-dire les Valentins et les Valentines, à l'occasion de daïman, comme on disait, donc on, une espèce de petit jeu de scène où on proclamait des couples parfois totalement improbables, parfois des couples qui pouvaient fonctionner, et on disait par exemple j'y donne, l'eau pierre à la Madeleine, le Philippe, etc. Et on formait donc ce type de couple. Si le couple plaisait à l'homme, il devait offrir un petit paquet de gaufres avec un billet doux entre les gaufres à la jeune femme qui pouvait y répondre en invitant son Vosna au bal lors de la fête patronale. Généralement, ça fonctionnait comme ça. À une époque où Twitter et tous les sites de rencontres n'existaient pas, on peut imaginer que ce type de cérémonie avait son utilité. Il est intéressant de remarquer, lorsqu'on lit Don Augustin Calmet, que le duc de Lorraine, Léopold de lui-même, participe avec la duchesse à cette tradition des Brandons à Nancy en 1697. Ils vont chercher des fagots de bois dans le bois de Boudonville, à peu près là où il y a l'actuelle faculté de Nancy 2, et ils ramènent tout ça donc sur la place du marché, en face de l'église Saint-Sébastien, là où se tenait l'hôtel de ville de l'époque, et on proclamait, là encore, les Vosnas et les Vosnates, avant de faire une sorte de bal, et donc de brûler ces fagots dans un grand feu de joie. Si on avance un petit peu dans le printemps, on va également célébrer le printemps un petit peu plus tard, et cette fois-ci dans les Hauts-de-Vosges, avec la traditionnelle fête des jonquilles. Cette fête est une véritable institution à Gérardmer, puisque depuis 1935, tous les deux ans, donc uniquement les années impaires, d'ailleurs cette année, la fête des jonquilles aura bel et bien lieu à Gérardmer, et elle est une occasion assez originale de célébrer à la fois une fleur emblématique des Hauts-de-Vosges, et donc ce retour du printemps avec un corso fleuri, des chars tout à fait remarquables, hein, tout en vert et or, hein, aux couleurs des jonquilles et de la mousse que l'on va trouver dans les forêts vosgiennes, des chars sur un thème bien particulier, et un des chars, bien sûr, est présidé par la reine des jonquilles, qui passe pour être la plus belle jéromoise de l'année. Alors on va également trouver une autre fête à peu près au même moment, soit fin mars, soit dans le courant du mois d'avril, c'est le dimanche des Rameaux. Je dis à peu près au même moment, puisque tout le cycle de Pâques, vous le savez peut-être, est un cycle mobile. La fête de Pâques n'a jamais lieu au même moment, d'année en année, puisque le dimanche de Pâques est fixé au premier dimanche qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc je vous laisse imaginer les calculs complexes auxquels se livraient nos ancêtres au Moyen-Âge, et il y a même encore quelques siècles. Alors, cette fête de Pâques, le dimanche d'avant, c'est le dimanche des Rameaux qui commémore l'entrée du Christ dans la ville de Jérusalem, au cours duquel on processionnait parfois, comme on le voit ici sur cette gravure, un âne surmonté de la figure du Christ, notamment les chanoinesses du chapitre de Remiremont avaient coutume de faire ce genre de procession dans les rues de Remiremont, avec un âne monté sur roulette, bien sûr, et les personnes qui brandissaient donc des rameaux de buis un des rares arbres qui soit vert à cette période de l'année. Ailleurs, plus dans le sud de la France, on trouve parfois carrément des palmes de palmiers. Chez nous, on va se contenter de buis auxquels on va donner toute une signification particulièrement symbolique également. Lorsqu'on lit justement l'ouvrage de Richard, que je vous citais en introduction, on apprend que les paysans lorrains accordaient au buis des vertus quasiment miraculeuses. Il n'était pas rare qu'on orne la maison de buis le dimanche des Rameaux, et ce buis étant censé protéger la maison de la foudre et de l'incendie. Parfois même, on plantait des rameaux de buis aux quatre coins du jardin pour s'attirer de bonnes récoltes. Ce buis était gardé précieusement tout au long de l'année, renouvelé chaque année, et j'en parle au passé, mais on peut encore en parler au présent, bien sûr, puisque ces coutumes continuent souvent de perdurer dans les familles chrétiennes. Et donc, on a ce buis qui est conservé d'année en année, et chaque année, à l'occasion des rameaux, on ramène les anciens rameaux de buis normalement à la paroisse, ou bien on les brûle, il ne faut pas les jeter bêtement comme ça, et ils sont brûlés, réduits en cendres, et ils servent lors du mercredi des cendres qui marque l'entrée en carême, ce qu'en Lorraine on appelle traditionnellement le mercredi mâchuré. Ce mâchuré en patois lorrain, c'est se barbouiller la figure, et mercredi mâchuré puisque le curé fait ce petit cercle de cendres sur le front à l'occasion donc de l'entrée en carême. Ça va, je ne vais pas trop vite. On poursuit avec une autre tradition très intéressante qui s'est un petit peu perdue, mais qui perdure ailleurs dans certains coins de Lorraine. C'est le traditionnel trimazo qui, lui aussi, pourrait faire l'objet de très amples développements. Alors, trimazo, on pense que le mot viendrait en fait du patois et voudrait dire l'entrée dans le mois de mai. À cette occasion, on va célébrer le réel retour du printemps avec des traditions, il faut en parler au pluriel, qui plongent leurs racines dans la nuit des temps. Et c'est très curieux de constater comment ce passage du 30 avril au 1er mai est une véritable nuit magique dans les sociétés celtiques et jusque de nos jours, puisque en fait, les Celtes appelaient ça la nuit de Beltane. C'est une nuit au cours de laquelle on passait de la période sombre à la période claire de l'année, avec tout un tas de rites magiques. On pensait qu'il fallait cueillir les fleurs de mai pour faire le vin de mai, par exemple. On pensait que les esprits pouvaient revenir, que la nature se mettait à jaillir d'un coup. Et on va voir donc tout un tas de traditions liées à cette entrée dans le mois de mai, avec par exemple en Moselle-Est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Hexennacht, la nuit des sorcières, où les jeunes gens s'amusent par exemple à dérober les pots de fleurs et à les rassembler sur la place du village, à jouer tout un tas de tours comme ça qui peuvent aller assez loin, puisque à Ambach, il y a quelques années, ils sont allés jusqu'à murer la porte du presbytère en l'espace d'une nuit. Donc voilà, je vous laisse imaginer la surprise du curé le lendemain matin. Ce qui est surtout plus intéressant, ce qui nous rattache à la thématique de l'arbre, c'est l'arbre de mai que l'on va planter dans plusieurs villages. Alors, ce n'est pas vraiment un arbre que l'on va enraciner, c'est un mât au sommet duquel on va aller ériger un arbre décoré de rubans, de choses comme ça. Et souvent même, on va avoir des danses avec des rubans autour de ce mât, afin d'orner, des danses assez complexes qui vont orner le mât. Alors, cette tradition-là, on la trouve surtout dans le monde germanique. Elle continue d'ailleurs à perdurer en Rhénanie, même en Sarre. Elle s'est un petit peu perdue en Lorraine, même grandement perdue. Et par contre, elle est à mettre en relation avec la tradition des mets au pluriel, qui consistait à voir les jeunes gens, généralement les garçons, aller dans la nuit du 30 avril en forêt, couper différentes essences d'arbres pour orner les volets et les usoirs du village lorrain. Donc on va avoir tout un langage du végétal Si par exemple les jeunes filles ouvraient les volets le matin et tombaient sur du chêne, c'est qu'on leur promettait un mariage relativement long et prometteur. Si à l'inverse elles ouvraient les volets et elles tombaient sur des orties, c'était plutôt mauvais signe. On va voir tout un langage des fleurs, finalement un langage des arbres, que l'on retrouve également dans une autre tradition un petit peu plus tard, à l'occasion de la Pentecôte, à Remiremont. Là encore, les villages qui dépendaient de l'abbaye du chapitre noble de Remiremont avaient coutume d'aller payer les impôts. Je vous parle de ça à l'Ancien Régime, donc au chapitre des dames nobles de Remiremont. Et chaque village, encore, processionnait en chantant des chants assez naïfs qu'on appelait les kyriolets. Et ces chants se faisaient, la procession se faisait avec un rameau, alors tantôt de bouleau, tantôt de chêne, tantôt de merisier, en fonction, afin de reconnaître justement les différents villages qui payaient des impôts parfois assez curieux, puisqu'il y avait un de ces villages, je ne sais plus lequel, de mémoire, qui devait payer une haute plaine de neige qu'ils allaient chercher sur les crêtes vosgiennes, et s'il n'y avait plus de neige, ils devaient payer un bœuf. Donc, valait mieux qu'il y ait encore un petit peu de neige sur les sommets. Alors, cette fête de cette nuit de Beltaine, là encore, on va la retrouver dans le monde germanique. Je vous parlais de la Hexennacht chez les Allemands. Elle est connue sous le nom de Walpurgisnacht, la nuit de Sainte-Walburge, qui a été magnifiée par Goethe dans son Faust, par exemple. Nuit véritablement magique pour ces sociétés germaniques et celtiques de l'Antiquité. Alors on quitte le printemps et on entre dans la saison des grands travaux, l'été, saison de la moisson, de la fenaison, saison où le végétal commence presque à être récolté, et saison au cours de laquelle on va brûler, pour le coup, du bois de nos forêts à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. Alors là aussi, c'est une fête qui est très curieuse, qui n'est pas anodine dans l'année lorraine, finalement, puisque la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, est fêté le 24 juin, à l'antipode, finalement, de Noël. En vertu d'une simple phrase de l'Évangile, Saint Jean-Baptiste aurait dit « Il faut que je décroisse pour laisser la place au Christ, il faut que je me rabaisse ». Donc les ecclésiastiques vont fixer la Saint Jean-Baptiste au 24 juin, date à laquelle les jours commencent effectivement à décroître jusqu'au 24 décembre, à partir duquel les jours croissent de nouveau. Donc c'est très symbolique tout cela. Et la Saint-Jean-Baptiste donc marque une espèce d'apogée dans le calendrier, puisque ce sont les journées les plus longues de l'année. On est aux alentours du solstice d'été. C'est une période très, très importante à laquelle les Celtes, là encore, étaient déjà particulièrement sensibles, et on estime qu'ils édifiaient déjà d'immenses bûchers pour justement avoir la lumière, finalement, durant la nuit la plus courte de l'année, une espèce de lumière invincible qui peut faire un petit peu le pendant du Sol Invictus, la fête romaine qu'on va trouver au mois de décembre et qui célébrait finalement ce soleil qui est invaincu. Les journées, certes, sont de plus en plus petites, mais finalement, la nuit ne gagne pas la bataille et le soleil gagne ce combat finalement sur la nuit. Alors, en Lorraine, la tradition des bulles est particulièrement vivace, et on ne va pas forcément la retrouver ailleurs en France ou même dans le monde germanique. Hein. C'est une tradition qu'on peut retrouver un petit peu en Alsace, où les bulles sont appelées Fackel. C'est vraiment une tradition lorraine, avec même quelques petites particularités chez nous, puisque les bûchers peuvent prendre des proportions assez incroyables. Hein. Si vous allez dans certaines vallées vosgiennes, vous avez des constructions de bois tout à fait remarquables qui forcent l'admiration, et on se dit même que c'est presque dommage de brûler ce genre de construction. Là aussi, une tradition de la Saint-Jean assez étonnante, c'est à Sierck-les-Bains, donc tout au nord de la Lorraine, à la frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg, où on assiste à la traditionnelle roue flamboyante. Alors c'est très curieux, puisqu'on va avoir une roue qui fait à peu près 2 mètres de diamètre, qui est garnie de paille pour tout ça flambe bien. Et du sommet du Stromberg, qui est la dernière colline en rive gauche de la Moselle, on va faire flamber cette roue et on va la laisser dévaler la pente de la colline. On prétend que si la roue termine sa course dans la Moselle, les vendanges seront tout bonnement exceptionnelles. Alors, en vérité, il y a un petit trucage, puisqu'il y a une route qui passe entre le Stromberg et la Moselle. Ce serait un petit peu fâcheux de se retrouver avec une roue flamboyante sur le pare-brise. Donc la roue fait la moitié de la descente, et ensuite vous avez une espèce de panier monté sur une sorte de tyrolienne qui termine la chose. Donc chaque année, la roue termine, en tout cas pour les personnes qui sont sur les terrasses du château de Sierck, château des Ducs de Lorraine, la supercherie, enfin on y voit que du feu, c'est le cas de le dire, et donc on a une situation qui est assez intéressante, une tradition qui est tout à fait exceptionnelle et qui viendrait peut-être, là encore, les historiens ont émis nombre d'hypothèses pour expliquer cette curieuse tradition. On pense qu'il existait un temple dédié à Mercure au sommet de cette montagne et qu'au moment où le christianisme s'est implanté dans la région, on aurait saisi la statue du pauvre Mercure, on l'aurait fait dévaler justement la pente jusque dans la Moselle, symbole donc du christianisme qui s'implante ici. Alors c'est peut-être aussi le symbole du soleil qui dévalerait le Stromberg comme il finirait finalement par décroître jusqu'à cette fête de Noël de laquelle nous parlerons dans quelques instants. Quelques mots quand même sur la moisson où là aussi, je vous disais, le végétal va être récolté, élément très important dans les sociétés rurales d'autrefois. Vous avez ici une enluminure qui nous montre les paysans au travail en train de moissonner à la faucille. Et cette moisson donnait, alors c'est pas franchement la fête hein, quand vous devez moissonner pendant des jours et des jours au grand soleil, c'est assez pénible. Mais quand la moisson est finie, quand le raisin est, pardon, je parlerai des vendanges après, c'est pour ça, quand le grain est en grange, on va festoyer à travers une fête assez curieuse puisqu'on l'appelle le tuchien. Alors rassurez-vous, on ne tuait pas de canidés à cette occasion-là. Le tuchien, en fait, viendrait probablement de la canicula. C'est une étoile qui brille dans le firmament de l'été et justement qui va commencer à décroître, là encore, dans le firmament, à partir de juillet-août. Donc on va tuer la canicule, on marque la fin de la moisson et on faisait un grand festin à cette occasion où tous les moissonneurs étaient conviés, bien sûr, à la table du laboureur. Un bouquet de fleurs, là encore, on retrouve le thème du végétal autour de cette fête du Tuchien. Un bouquet de fleurs était souvent même ramené en procession depuis le dernier champ moissonné jusqu'à la grange, et souvent même on le faisait sécher dans la grange jusqu'à la moisson suivante, hein, pour en guise un petit peu de talisman. On a même certains documents qui nous parlent d'une autre tradition qui consistait à planter un mât, là encore, au milieu du dernier champ à moissonner ou à faucher, dans le cas de la fenaison. Mât, là encore, orné d'une sorte de bouquet de fleurs. Et c'était au faucheur qui atteindrait le plus rapidement le mât d'être un petit peu le roi de la fête à l'occasion de ce genre de festivités. On en vient au mois d'août avec évidemment un autre arbre, l'aurin par excellence, qui va être célébré à l'occasion du mois d'août. C'est le mirabellier avec les traditionnelles fêtes de la Mirabelle. Alors, quand je dis les fêtes de la Mirabelle, c'est bien sûr celles qui ont lieu à Metz chaque année, mais c'est également toutes ces fêtes parfois même confidentielles, qui peuvent avoir lieu le long des côtes de Moselle ou les côtes de Meuse. Il suffit de longer la côte de Meuse, hein, d'Annonville jusqu'à quasiment Fresnes-en-Wavre, en passant par tous ces villages qui se terminent par sous les côtes, pour ressentir une espèce d'ambiance très festive à ce moment de l'année. Alors, fruit lorrain par excellence, quand on sait que plus de 90% de la production mondiale de Mirabelles vient de Lorraine, et c'était logique que l'on célèbre justement la Mirabelle à travers des festivités qui, à Metz, se tiennent depuis 1947. Alors, elles ont d'abord été biannuelles, ces fêtes de la Mirabelle, et puis elles sont devenues, à partir de 1961, je crois, annuelles, avec la traditionnelle fête, l'élection de la reine de la Mirabelle, qui passe pour être l'une des plus belles messines, là encore, de la ville. On a des marchés paysans à cette occasion, on a tout un tas de spectacles dans les rues de Metz. C'est voilà, une manière de célébrer ce fruit d'or. Alors je n'entrerai pas dans le débat Mirabelle de Metz, Mirabelle de Nancy, hein, il y en a une qui est plus grosse, l'autre est plus petite, mais la plus petite est plus sucrée que l'autre. Voilà, je n'entre pas dans le débat. Quand elles sont réduites toutes les deux en eau de vie, elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Voilà. On en vient à l'automne avec le temps des dernières récoltes finalement, et notamment la vendange qui elle aussi comportait une place très très importante dans les sociétés rurales en Lorraine. Avant la crise du phylloxéra, notre région est une des principales régions productrices de vin en France, avec un vignoble même très septentrional qui se poursuit en Allemagne. Mais la vendange est le moment où on va être récompensé du travail de toute une année. Un travail souvent très pénible, hein, qui consiste à tailler la vigne, à faire ce qu'on appelle le chaoutrage également en Lorraine, donc la vendange verte d'une certaine manière. On va avoir donc énormément de travail dans la vigne, un travail qui peut être ruiné en un quart d'heure avec un orage de grêle. Et on ne dira jamais assez, finalement, le lien étroit qui unit le vigneron au monde de la forêt, puisque le vigneron a besoin d'énormément de bois finalement pour œuvrer, bien sûr le bois qui va servir pour faire ses manches d'outils bien sûr, mais également le bois pour ses échalas, ces piquets de bois, hein, qui rythment la vigne d'une certaine manière. On avait des fendeurs d'échalas qui allaient de village en village le long du vignoble et qui ne faisaient que ça de leur journée. On retrouve d'ailleurs cela dans un des romans d'Émile Moselli, Joson Meunier, ou le père de Joson Meunier fend les échalas toute la journée pour pouvoir payer les études de son fils qui est à l'actuel lycée Poincaré à l'époque. Alors il faut également du bois pour les tonneaux, pour les cuveaux bien sûr, pour le pressoir, et là encore on va chercher dans la forêt tout ce qui va être nécessaire pour fabriquer ce vin. Des pressoirs en Lorraine, il nous en reste plusieurs, à Clermont-en-Argonne par exemple, à Nouilly en Pays Messin ou encore à Marange-Tilvange. On a de véritables monuments de bois faits d'une lourde poutre de chêne. Là encore, le lien étroit, hein, entre les différents métiers ruraux et la forêt que je tenais à rappeler ici. Je voudrais également évoquer une autre tradition, et au moment où un drôle de légume va être un petit peu mis à l'honneur. Alors c'est une tradition qu'il faut aller chercher en Moselle-Est, en Lorraine germanophone, et qui porte le nom très curieux de Rommelbotzennacht. Alors Nacht, c'est la nuit, Botzen, c'est des grimaces, et les Rommel, c'est les betteraves. En fait, donc littéralement, ça veut dire la nuit des betteraves grimaçantes. C'est la nuit du 31 octobre pardon, au 1er novembre, avec là encore une nuit quasiment magique, puisque si vous faites bien attention, elle a lieu 6 mois après, à l'antipode finalement, de cette nuit de Beltane dont je vous parlais tout à l'heure. La nuit de Beltane qui passait donc, par laquelle on passait de la saison sombre à la saison lumineuse, la nuit de Samhain, puisque c'est le nom que les Celtes lui donnaient, qui faisait passer de la saison claire à la saison sombre. Et cette nuit était pour les Celtes une nuit très importante, avec un rituel d'obligation d'y assister. On prétend même, quand on lit les annales de Tacite par exemple, que les Gaulois qui ne se présentaient pas à cette fête-là étaient passibles de la peine de mort. Les trois ordres de la société, les druides, les chefs militaires et les artisans paysans, devaient se retrouver lors de cette fête de Samhain, qui marquait d'ailleurs l'entrée dans l'année nouvelle pour les sociétés gauloises. Et les Celtes estimaient également que c'est à l'occasion de cette nuit que les esprits des morts revenaient dans le monde des vivants. Vous voyez très vite la manière dont cette croyance va par la suite être plus ou moins instrumentalisée, notamment dans la culture celte, puisque, bien sûr, on ne parlera plus de nuit de Samhain, on parlera de veillée de la Toussaint, en anglais All Hallows Eve, hein, la veillée de la Toussaint, All Hallows Eve, qui donnera le nom de Halloween finalement, qui sera exporté aux États-Unis, qui nous reviendra dans les années 90 sous une forme extrêmement commerciale, bien sûr. Mais donc, on a une nuit magique avec ces esprits des morts qui reviennent dans le monde des vivants. Et pour ne pas déranger les esprits des ancêtres, eh bien, on va éviter, par exemple, que les gens traînent au carrefour ou sur les margelles de puits ou des choses comme ça. Et pour éviter que les gens ne sortent cette nuit-là, eh ben, on va leur faire peur. On va leur faire peur en disposant un peu partout des lanternes qui sont creusées, alors non pas dans les potirons, parce que le potiron, ce n'est pas franchement très lorrain à l'origine, mais dans les betteraves, ces espèces de grosses lisettes, hein, qu'on va creuser et que l'on va donc orner d'un petit lumignon pour effrayer les gens au carrefour, donc en certains lieux, et laisser les esprits tranquilles. Parfois même, on laissait un petit petit quelque chose sur la table et du feu dans la cheminée pour que, voilà, s'il y a des esprits qui reviennent dans la maison durant cette nuit-là, eh bien, ils soient bien accueillis. On passe à une autre fête, toujours au mois de novembre, à la Sainte-Catherine. Vous connaissez certainement le proverbe « Tout bois prend racine ». C'est à ce moment-là qu'on est censé planter les fruitiers, hein, en faisant un trou forcément, puis on va faire un pralin, comme on dit, on plante l'arbre. C'est également les mois d'automne qui étaient l'occasion de faire des provisions de bois pour se chauffer l'hiver, bien sûr, même si les coupes de bois se font plutôt dans la saison. On fait aussi des provisions de viande, on a au tucochon, et puis je ne résistais pas à l'idée de planter justement un arbre, et pas n'importe lequel, en espérant qu'il prendra racine. Vous avez ici une illustration tirée de l'imagerie pèlerin à Épinal, qui nous montre l'arbre d'amour avec différents petits personnages qui sont dans les branches ici. Alors, vous voyez que ce ne sont que des hommes et des femmes qui sont prêtes à tout pour aller décrocher les hommes. Hein. Alors, soit elles prennent des yeules, comme on dit en patois lorrain, des échelles. Il y en a d'autres qui sont en train de hauler l'arbre, comme on fait des mirabelliers, hein, des fois que ça tombe un petit peu plus. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus résolus. Elles ont pris carrément la scie, hein, pour couper l'arbre. Donc, on a la thématique de l'arbre que l'on va retrouver. Alors certes, dans nos calendriers, mais jusque dans nos intérieurs aussi, l'imagerie pèlerin éditait énormément de gravures coloriées au pochoir qui étaient placardées dans les intérieurs paysans pour mettre un petit peu de couleur donc dans ces maisons souvent un petit peu ternes. Alors, l'automne s'achève, on entre dans l'hiver, le temps de l'attente finalement, mais un temps qui, en dépit de la torpeur du cycle végétatif, va quand même faire une belle place à l'arbre et à la tradition, notamment dans le cycle de Noël, avec un premier symbole important, bien sûr, le sapin de Noël. Alors, là aussi, il faut être très prudent lorsqu'on s'intéresse à la thématique du sapin de Noël. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'origine du sapin de Noël, beaucoup de choses fausses, quelques choses qui sont vraies, des choses qui sont parfois difficiles, voire même impossibles à vérifier. Mais le sapin de Noël est sans aucun doute une tradition d'origine germanique. Certaines personnes affirment qu'on a les premiers sapins de Noël qui sont attestés sur les rivages de la Baltique, autour de Riga, dans les pays baltes, et jusque dans les villes de la Hanse, dès les 12e et 13e siècles. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves tangibles de cela. La première vraie preuve d'un sapin de Noël qui va être décoré et érigé sur l'actuel territoire français, c'est en Alsace, au début du 16e siècle. Quand on épluche les livres de contes de la ville de Sélestat, on apprend qu'ils ont financé justement un sapin de Noël à l'occasion donc des fêtes de fin d'année, sapin qui était garni vraisemblablement de fruits qu'on avait pu garder, des pommes par exemple, des choses comme ça. Et pendant très longtemps, justement, c'est cette tradition qui prévalait. Le sapin de Noël, c'était avoir un arbre, si possible encore vert, donc on va prendre le sapin, et qui va donner des fruits en plein milieu de l'hiver. On va essayer de simuler une espèce de petit miracle, notamment pour faire plaisir aux enfants. Donc on va accrocher soit des pommes, parfois même des rondelles d'orange séchées, ça pouvait arriver, des petits bâtons de cannelle, des sucres d'orge par la suite. Et puis, on raconte que, là encore, est-ce une légende, est-ce la réalité, mais on raconte que, au milieu du 19e siècle, l'hiver a été si terrible qu'on n'avait ni orange, ni pomme, ni même bâton de cannelle à mettre sur le sapin de Noël, parce que ça coûtait quand même très cher tout cela. Et donc, à Meisenthal, dans le pays de Beach, des verriers vont s'amuser à souffler des petites pommes en verre pour décorer le sapin de Noël. Alors, on trouve ça très joli, et ce serait l'origine même de la naissance des fameuses boules de Meisenthal, qui se vendent chaque année comme des petits pains, hein, puisque chaque année ils font un modèle différent, et là encore un véritable monument du patrimoine lorrain en matière de verrerie, bien sûr, d'art du feu, mais en matière de décoration de Noël. Autre élément qui nous vient très vraisemblablement du monde germanique, c'est la couronne de l'Avent, qui apparaît dans les milieux protestants au milieu du XVIe siècle et qui reste longtemps confinée à la Lorraine germanique. Elle déborde petit à petit la Moselle, on commence à la voir un petit peu ailleurs, hein, mais cette fameuse couronne dotée de quatre bougies qui vont symboliser les quatre semaines de l'Avent, qui vont donc être allumées successivement, est bel et bien du monde germanique. Et on la trouve dans les milieux protestants à l'époque. Et puis, on pensait également, autrefois, on a tout un tas de superstitions où on va retrouver la thématique de l'arbre à l'occasion de la fête de Noël. C'est notamment une croyance vivace et populaire en Lorraine qui estimait que dans la nuit du 24 au 25 décembre, pendant la messe de minuit, les arbres se mettaient à fleurir. Mais qu'il ne fallait surtout pas s'aviser de vouloir fleurir les arbres. Les personnes qui n'étaient pas allées à la messe de minuit pour voir ce type de phénomène avaient toutes été foudroyées ou avaient disparu. Donc c'était bien sûr une superstition pour inciter les gens à se rendre donc, à cette importante messe. Et puis il y a une tradition qu'on ne peut pas occulter non plus, c'est celle de la bûche de Noël. Je ne parle pas forcément de la bûche avec la crème au beurre qu'on a l'habitude de consommer aujourd'hui. Autrefois, la veillée de Noël ne ressemblait pas du tout aux copieux repas que l'on peut faire aujourd'hui. On avait même l'habitude de faire ce qu'on appelait en patois un simple reste-non. Donc on grignotait en fait, hein, chacun ramenait un petit quelque chose en attendant cette fameuse messe de minuit, qui un panier de noix, qui une bande de lard, et on amenait également chacun une bûche qui permettait donc de se tenir chaud tout le long de la soirée. Parfois même, la bûche que le maître de maison mettait en premier dans le feu était décorée de lierre. On la bénissait même avec un petit peu de vin. Hein. On jetait, on faisait une espèce de libation sur cette bûche. On a même, lorsqu'on lit justement Westphalen, mention du fait que la bûche était censée tenir 12 jours jusqu'à l'épiphanie. Alors, on imagine que ça devait être, dans ce cas-là, de vraiment très gros quartier de bois pour tenir 12 jours. Peut-être même qu'on l'éteignait et qu'on la rallumait par la suite, hein, qu'on essayait de l'entretenir, sachant que ces 12 jours qui séparent Noël de l'Épiphanie avaient eux aussi une vertu un petit peu superstitieuse. Les paysans scrutaient attentivement le temps qu'ils faisaient chacun de ces 12 jours, puisqu'on estimait qu'ils prédisaient le temps qu'il allait faire chacun des 12 mois de l'année à venir. On arrive à une fête qui a lieu entre Noël et Nouvel An, depuis seulement la fin du XVIe siècle, puisque pendant au Moyen Âge, on passait en Lorraine d'une année à l'autre à l'occasion de la fête de l'Annonciation, c'est-à-dire le 25 mars. Donc lundi, vous pourrez souhaiter bonne année aux personnes, puisque autrefois, c'était à cette occasion-là qu'on changeait d'année. Ça paraissait logique, hein, d'ailleurs, hein, pour les Lorrains du Moyen Âge. On changeait d'année au 25 mars, puisqu'on se disait que bah, c'était le début de la vie du Christ. Il est certes né le 25 décembre, mais s'il a été conçu 9 mois avant, bah, c'est le 25 mars. Donc on entrait dans l'année nouvelle à l'occasion de la fête de l'Annonciation, dans les duchés de Bar et de Lorraine seulement. Dans les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, c'était le style de Pâques qui prévalait. Donc on changeait d'année à l'occasion de Pâques. Donc ça veut dire qu'on avait des années qui étaient plus courtes que d'autres. Je vous laisse imaginer la complexité des choses. Donc au XVIe siècle, le duc de Lorraine, en 1579, à l'époque c'est Charles III, il va dire on arrête tout ça, on se cale, on va faire comme les Français, on se cale sur le cycle du 1er janvier, ça simplifiera les choses. Alors ce changement de millésime qui se fait à l'occasion du 1er janvier est lui aussi associé à un végétal bien particulier, le gui, qui est un parasite hein, pour les arbres en fait, et on pense que là encore, la tradition du gui associé à l'année nouvelle pourrait venir du monde celtique, de l'antiquité gauloise, puisque les druides associaient de véritables pouvoirs magiques à ce gui, notamment au gui qui pousse sur le chêne, ce qui est absolument rarissime. On raconte même, hein, quand on lit les Romains, puisqu'on connaît les Gaulois uniquement par les sources romaines, quand on lit les Romains, il fallait couper ce gui qui poussait sur le chêne avec une serpe dorée, voire même en or, et le laisser tomber dans un drap immaculé. Et ensuite, il servait de différents talismans grâce auxquels on pouvait s'attirer la bonne fortune, l'amour éternel, etc. On prétend même qu'en coupant ce gui, les druides prononçaient la formule sacrée « O gel an e », ce qui, en celte, signifierait « que germe le blé ». Et que cette formule « ogel an e » aurait donné « ogil en œuf ». C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, c'est ce que l'on trouve dans plusieurs ouvrages qui s'intéressent justement à la thématique du végétal dans les traditions, dans les fêtes et les coutumes, mais c'est possible. En tout cas, je vous laisserai le soin de creuser davantage si cela vous intéresse. Et puis, on va terminer notre petit calendrier avec une autre tradition qui consiste à brûler l'hiver. Alors, on a parlé des bûchers qui étaient érigés à l'occasion de la fête des Brandons le premier dimanche de Carême, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on assiste à des carnavals également importants au cours desquels on va brûler le carnaval qui va être personnifié sous la forme d'un espèce de grand mannequin, notamment dans la vallée de la Sarre, où on va soit précipiter le mannequin dans la rivière, soit carrément le brûler. Et le but, là encore, est clair, c'est chasser l'hiver, attirer des récoltes. Dans certains carnavals, alors pas forcément en Lorraine, mais dans les carnavals de certaines vallées dans les Alpes, on va frapper avec des espèces de verges de bois, on va frapper le sol pour dire aux graines de germer. Ailleurs, à Prats de Moyaux, par exemple, dans les Pyrénées, on a des danses de l'ours, où on réveille l'ours de sa tanière pour dire « ça y est, c'est bon, l'hiver est fini, maintenant que vienne le printemps ». Et en Lorraine, on avait un carnaval qui était très très particulier. C'était le carnaval de Failly. Alors c'est à l'est de Metz, un joli petit village de ce secteur qu'on appelle le Haut Chemin. Et en fait, vous avez sur cette photo ici deux personnages. Alors l'un a ici, c'est ce qu'on appelle le mar de Châti, donc le maire des Chétifs. Les Chétifs, parce que oui, on entre en carême, il va falloir se serrer la ceinture et arrêter de manger des patates rissolées dans le Saint-Doux, notamment, et du lard et tout ça, enfin toutes les bonnes choses de Lorraine. Et ensuite, on a à ses côtés le Queulot. Alors le Queulot, c'est un personnage très célèbre en pays messin, et notamment à Failly, il y a même l'école locale qui s'appelle l'école des Queulots. Et ces deux personnages jouaient un rôle éminent lors du carnaval. Alors vous voyez qu'ils sont habillés de manière assez curieuse, avec un petit chapeau pointu orné de rubans colorés. D'ailleurs, l'un de ces chapeaux de Queulot est conservé au musée de la Cour d'Or à Metz. C'est très émouvant de voir cela. Et pour faire simple, le Queulot est muni d'une queule, une grande perche, au bout de laquelle on a un chiffon, qu'on ne voit pas très bien ici. Mais le chiffon va être trempé dans le purin. Et on va aller badigeonner de purin les pantalons des messieurs et l'ourlet des robes des dames. On a quelques photographies de ces carnavals où les gens se laissent faire placidement parce que ne pas se faire asperger de purin par le queulot à l'occasion du carnaval, ça portait malheur. Donc, on se laisse faire, et puis bah, tant pis pour le pantalon, hein, ça se lave après tout. Et le maire de Châti, lui, il est muni d'un bâton qui est en fait une espèce d'épieu, c'est ce qu'on appelle la palate, et il va chasser le queulot dans les rues de Failly à coups d'épieu un petit peu. Donc la symbolique est relativement simple à décrypter. Vous avez le queulot qui symbolise l'hiver avec la boue, avec la froidure, avec tous ses désagréments, et le mar de Châti qui symbolise l'entrée en carême, mer des Chétifs. Voilà, on chasse l'hiver, il va falloir faire carême, mais après je vous promets que le printemps va revenir, et le printemps il est symbolisé par tous ces petits rubans colorés au sommet des chapeaux de ces deux personnages hauts en couleur. Alors, conclusion au pluriel, on voit que l'arbre et le végétal sont bel et bien omniprésents dans le calendrier de nos fêtes, de nos coutumes populaires en Lorraine. C'est un élément qui accompagne le retour des beaux jours tout au long du printemps, avec l'arbre de mai par exemple, ou qui, au contraire, peut symboliser la verdure éternelle et cette nature qui finit toujours par rejaillir, avec par exemple le sapin de Noël, la couronne de l'Avent ou même le gui par exemple. On va également avoir un arbre qui accompagne le paysan tout au long de sa vie, depuis le berceau, qui est fait en bois, jusqu'au tombeau, puisque le cercueil est lui-même, on dit bien, entre quatre planches, c'est pas pour rien. Gui ou buis, arbre de mai, mirabelier, sapin, bûche de Noël, tous ces symboles, bien sûr, doivent nous rappeler que nos traditions forment un patrimoine à part entière. Un patrimoine immatériel, bien sûr, nos fêtes, nos traditions ne sont pas franchement palpables. Lorsqu'on parle de patrimoine, on pense souvent aux croix de chemin, aux chapelles, aux calvaires, aux châteaux forts, à nos églises fortifiées. Mais on a un patrimoine immatériel duquel il faut réellement prendre soin, parce que c'est quand on ne le comprend plus qu'on prend le risque de le voir disparaître. Et puis, un patrimoine qui ouvre sur d'autres patrimoines. Lorsqu'on s'intéresse aux fêtes et aux traditions, on s'aperçoit très vite qu'il y a d'autres patrimoines, duquel je n'ai pas forcément parlé aujourd'hui, mais un patrimoine culinaire. Par exemple, les fameux bredelets, les gâteaux de Noël que l'on consomme en période de l'Avent, ça viendrait à l'idée de personne, je pense, de faire des petits gâteaux de Noël le 14 juillet. Après, vous avez le droit, mais bon, c'est assez rare de voir ça. Il y a des choses que l'on consomme à certains moments de l'année, les beignets de carnaval, l'agneau de Pâques, etc. Et puis un patrimoine également oral, j'en ai pas trop parlé non plus, mais songez à ces chants qui accompagnent les crécelles lors du Vendredi Saint, songez aux trimazos, alors j'ai pas chanté non plus, mais voilà, les trimazos, on avait des jeunes filles qui allaient de porte en porte et qui chantaient « C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai, c'est le trimazo », etc. Donc on a tout un patrimoine, des patrimoines même au pluriel, qui doivent nous rappeler finalement cette phrase qui est inscrite sur un cadran solaire rue de la Chèvre à Metz, « Passant, prends le temps, sinon il te prend ». Très belle devise qui doit simplement nous rappeler, c'est ce que je voulais faire avec cette courte intervention, qu'il n'appartient qu'à nous de faire de chaque jour de l'année un jour de fête. Merci.